Chères auditrices, chers auditeurs de la bonne chanson franco du Canada, soyez les bienvenus à bord de votre émission Arrête ton char. Hey, mais oh, c'est tout au bout, hein? Un char qui parle. Arrête ton char, l'émission consacrée aux auteurs et compositeurs, compositrices, interprètes francophones du Canada, hors Québec. Ah oui, c'est pointu. Junior vole pas de char faible, les empreintes. Puis si on n'achète pas, c'est par conscience écologique. L'écologie, c'est pas ça, là, qui taque des étiquettes après les oreilles des animaux. Pour la première émission de l'année, je vous propose une nouvelle formule plus concentrée en talent franco, avec des enregistrements de live et des entrevues que j'ai réalisées à Ottawa avec des artistes dans le cadre de Contact Ontarois 2020. Arrête ton chien, c'est des nuls! J'ai eu en effet la chance d'y être invité. Merci Réseau Ontario, merci la PCM pour l'accueil et l'organisation. Big up spécial pour Ingrid, chargée de com Réseau Ontario, sans qui je n'aurais pu rencontrer tous les artistes que vous allez découvrir cette année. Le char que je viens d'acheter va se mettre à casser après 2 ans. Hey, des fois avant ça même. Mais ça, c'est normal, c'est de la mécanique. Hein? Il n'y a pas déjà une garantie avec le char? Ben oui, mais elle couvre pas les affaires qui cassent. Une chose à la fois, là, je vais commencer par aller chercher votre prêt. Je salue les auditeurs de Radio Campus Montpellier, de CFAC à Sherbrooke, au Québec, les auditeurs de CFRH dans le nord de l'Ontario, et enfin, ceux de Radio Octopus sous l'eau. Ça marche pour 28 000. C'est la dernière fois que tu me vends un char en bas du coste. Sinon, je te crisse dehors. Pour commencer cette nouvelle émission, je vous propose d'aller à la rencontre du talentueux rappeur D-Track à travers une entrevue et la diffusion de son concert vitrine jeunesse enregistré à l'auditorium de l'école publique de La Salle à Ottawa. Arrête ton char, Robert, et tu en souffres? Ah oui, c'est pénible. C'est pénible. Et alors, dans ces cas-là, qu'est-ce que tu fais? Un petit tour. Un petit tour. Ouais. Allez, hey, allez. Ici des tracks pour l'émission Arrête ton char. Si tu touches à mon goudron, je te cogne ton califourchon. Promets dans mon fourgon. J.M. Harrison Ford, Magazine Forbes, Matt Damon Bourne. C'est et non, ne parle des billboards. Tortue Ninja dans mes égouts. Grand Slam, Babe Ruth, F.U. Pay Me, Nas, Biggie, Jay-Z, Hippie, I.A. Agent F.B.I. ou agent de la CIA. Venu mitrailler le poulailler, G.I. Venu maîtriser le jihad ou combattre les triades. Tom Hanks qui neutralise les pirates. Nouveau visage, Maybelline maquillage. Oh Lord, j'pense que Jesus Christ porte des Levi's. Dieu est un Yankee. Dieu est un Yankee. Dieu est un Yankee. Dieu est un Yankee. Dieu est un Yankee. Dieu est un Yankee. God is American. God is American. Monsieur Pillsbury, passe Steph Curry. On me tire dessus, mais les projectiles font me pleurer. Les méchants, ça me fascine. Sylvester Stallone, Scarface, Kaid, we the best. Comme DJ Khaled, basketballin'. Arabie Saoudite, Wu-Tang, Charlotte, pis le reste, on s'en caoline. Oh, tu ferais bien pas nous écœurer. On connaît le bien, le mal, l'amour, pis la NRA. J'électro, Chuck Norris, les terroristes. La guerre est érotique, burger patriotique. Le ciel, le panorama commandité par Nike. Oh Lord, j'pense que la NASA est contrôlée par Jesus Christ. Bon. Dieu est un Yankee. Dieu est un Yankee. Dieu est un Yankee. Dieu est un Yankee. Dieu est un Yankee. Dieu est un Yankee. God is American. God is American. Mesdames et messieurs, on est avec DJ Scorpion sur les platines. On peut l'applaudir chaleureusement. Au gars, via les Yankees, le sourire de bouche, puis les mains pleines. Abraham dans les Lincoln, des billes pour les Clinton, pour construire les pipelines. Passe le ballon, Wascott et Pippin. Dans les Qatar, on va faire des piscines. La terre entière, oui, pimpin. Demande à pas c'est qui le king du building. Quand j'étais kid, j'aimais le M. Grâce au métaux, j'ai compris l'alphabet, le V à la WWF. J'préférais le fake, puis avant dans le vrai. Vrai, Touchdown, j'ai appris les chiffres sur football. Si ça fait pas de cash, ça fait pas de sens. Ni tes arguments, moi mon gun, blam! NRA, Kevin Costner, évangile selon Paul Walker. C'est pour le père et le fisc, c'est pour le bien de la République. En cause, un peu parler un peu d'autres. En cause, un peu marcher sur les autres. En cause, un peu marcher sur les eaux, puis remplacer les aigles par des drones. Les USV pourront jamais crever, tant vous rêvez. C'est une inversion trop élevée. Get the money, puis le cash, puis dit alléluia. Pour le pop, puis le bar, le peace, puis le love. Pour le métal et pour Metallica, pour Family Guy. Faut que j'envoie mon respect à mon bout de Dieu. Dieu, Dieu, Dieu, Dieu, Dieu, Dieu, Dieu est un Yankee. Dieu, Dieu, Dieu. Alors, Détrac, comment tu pourrais te présenter pour les auditeurs français? Tu es quoi? Rappeur, slammer? Je suis un rappeur, avant tout, qui a participé dans les ligues de slam. Mon Dieu, je suis un rappeur, mais ce qui me définit beaucoup, c'est la richesse de mes textes. Souvent, c'est quelque chose qui ressort par rapport à ce que je fais. Moi, dans mes influences, il y en a beaucoup, mais si je pourrais dire en France, moi, MC Solar, c'est des rappeurs que j'aime beaucoup, Akhenaton, dans le rap américain, Nas, Mos Def et tout, donc Kendrick Lamar, c'est un peu un croisement de tout ça. Avec peut-être un peu de Gael Faye aussi, que j'aime bien. Fait que ça ressemble peut-être à tous ces univers-là un peu mélangés ensemble. Comment ça s'est passé, cette histoire de ta jeunesse avec ton Walkman jaune, c'est ça? Et pendant que les autres écoutaient Nirvana, tu peux nous remettre un peu dans ce contexte-là? Ah oui, ben c'est juste un clin d'œil à la technologie du Walkman jaune. Moi, je suis né en 85, donc j'ai eu la chance de vivre les Walkman jaunes. Et puis, moi, je faisais beaucoup de mix sur des cassettes, donc je prenais des CD et je mettais mes chansons préférées sur des cassettes. J'écoutais ma musique et tout. Et puis, bon, moi, au secondaire, les gens, je suis de l'époque grunge aussi, mais moi, j'ai tout le temps été un gros fan de hip-hop. Donc, j'expliquais juste avec un clin d'œil que, dans le fond, j'étais très marginal quand je faisais du hip-hop à l'époque. Et mais c'est ça, on est encore là, puis on fait ça. Il y a aussi un appareil que je chéris énormément, c'est le Walkman jaune qui a fêté ses 40 ans. Tout le monde sait c'est quoi un Walkman jaune? Ma passion est venue de ça, je me rappelle, je mettais mes écouteurs, j'allais dans l'autobus et je pesais sur play. Là, j'embarquais dans ma bulle comme ça, j'écoutais mes idoles. Je me rappelle quand j'avais ma tête dans le catalogue de Sears. Fallait à tout prix ce gadget, j'avais pas peur de le dire. Pour y arriver, j'aurais certainement brisé ma tirelire. Une fois que j'ai eu mon appareil jaune, j'étais plus capable de fuir. Hey! C'était moi dans le fond d'autobus qui écoutait à fond de nouveaux sons Notorious. Je me promenais boss en boss sur du boss, boss sur du boss de flex, sur un loop de DMX pour oublier mon ex. Next, à chaque cette drogue dure, à chaque sa névrose. Moi ma drogue dure jusqu'à ce que mes headphones explosent. Cool chain dans mon acouphène, Paris, Brooklyn, Rick Rubin. Beastie Boys got your body moving. À force d'écouter les classiques de Lauren, je pense que je suis devenu aussi sourd que Beethoven. On me demandait à quoi tu penses mon rêveur. Dans mes pensées, je criais Wu-Tang forever. Vous voyez Ali, on fait de moi un lunatique. Watch me bump du Joe et badass en défiant une éclipse. Je suis plongé dans mon bis que mon ami m'a donné. T'as beau vouloir me klaxonner, je suis dans mon monde Panasonic. Tu sais, des fois, t'avais besoin d'un crayon pour réembobiner. Je me rappelle des fils du HMV au Boxing Day. Quand mon Steph était pas connu sous le nom de Yassin Bey. J'étais plongeur au Nichols. J'allais jusqu'à écouter mon Walkman pendant mes pauses. J'étudiais les techniques comme un fanatique. J'analysais mes Zion pour son nom dramatique. Oh, mon cœur faisait des battements pour les 4 ans. J'aurais skippé mes cours pour l'école du micro d'argent. J'ai habillé mes Nike à force de faire des kilomètres avec du kilomic ou sur l'album de Criminal. Les fourmis dans mes pieds avec John the Wolf. Ou avec The Roots, j'aurais pu escalader le Mont Fuji's. Quand j'ai soufflé mes bougies à mes 16, j'ai eu le nouveau Tupac puis nouveau Maze. Le tape a disparu du case, fait qu'il rôde dans un autre univers ou un cimetière. J'souhaite un paradis pour la cassette près du bon Dieu. Depuis que le MP3 a tout take over, dans mes yeux Cypress et Wyclef, Cyan Super dans le top mes palmarès. J'me sentais number one sur du KRS. Snoop Dogg sur mon mini boombox, les écouteurs sur ma tête comme une couronne. J'suis un OG jusqu'au jour J, stock dans mon époque. comme Ricardo Troji. Toi-même, tu sais, je suis dans mon walk be jaune. Dans mon walk be jaune. Mettez vos mains dans les airs pour le walk be jaune. Dans mon walk be jaune. Jusqu'à ce que ma batterie me lâche. Hey! Je suis dans mon walk be jaune. Dans mon walk be jaune. Dans mon walk be jaune. Jusqu'à ce que ma batterie me lâche. Et qu'est-ce qui se passait dans le cerveau de cet adolescent-là est-ce que c'est les prémices de ce que tu es aujourd'hui et qui était là? Ouais, mais j'ai toujours été un grand fan de musique. Je me suis jamais dit que j'allais réellement faire du rap. Le rap, c'était un peu arrivé parce que j'allais dans des soirées où il y avait des DJ du breakdance et à un moment donné, je me suis mis à prendre le micro parce qu'il y a des gens qui faisaient des textes. Fait que pour des spectacles, je me suis motivé à écrire mes premiers textes. Puis c'est vraiment comme ça que j'ai commencé... Et après, pour se professionnaliser dans cette voie-là, comment ça se passe au Québec? Au Québec, il y a beaucoup d'associations qui sont là, il y a beaucoup de festivals, beaucoup de ressources. Mais je pense que la professionnalisation, ça vient avec le temps. Moi, personnellement, j'ai beaucoup de bagages, ça fait longtemps que je fais ça, donc ça vient pas du jour au lendemain nécessairement. Encore là, je sais pas si je pourrais être qualifié de professionnel, mais j'ai quand même un bon bagage et j'ai quand même eu des bons moments, une belle carrière, donc ouais. On m'a dit aujourd'hui, les élèves allaient pas être là, j'étais inquiet, je me suis dit, oh, l'atmosphère, vas-tu être là? Pour vrai, elle est là, l'ambiance! Vous allez répéter après moi, dites « whoop, whoop! » Dites « whoop, whoop! » Wouh! Wouh! OK, vous êtes prêts? Des fois, j'ai l'impression la vie est trop lourde. C'est pour ça que je veux faire la musique feel good. OK, c'est des tracks. Bonjour, salam alaikum. Je rappais avant Bandcamp et Facebook. OK, ça, c'est pour tous les promoteurs qui nous bookent. Pour mes fans qui mettent ma musique en boucle. OK, je connais des gens qui ont eu tout cuit dans la bouche. Mais en matière d'émotions, sont pas en croûte. OK, je suis pas le genre à ouin couche. Mais si tu me penches, prends peut-être une coupe de prof. OK, moi je suis plutôt allongé, espresso double. Si j'ai pas mon café le matin, je boude. OK, tu travailles moins sur ton marque que sur ton look. Tes rhymes ont besoin de beaucoup de Photoshop. OK, ce que tu représentes, j'en ai rien à foutre. Es-tu au moins capable d'avoir un bon flow qui tient la route? OK, moi ça fait wouh, wouh, wouh. La police fait wouh, wouh, wouh. Le beat il fait wouh, wouh, wouh. Puis la folle fait wouh, wouh. Ce track, j'avais pas trouvé de titre. So j'ai laissé aller mon inspiration. OK, je préfère donner de l'attention à ma fille que donner ma fille pour avoir de l'attention. OK, ça fait longtemps que j'ai pas eu de show pédagogique. Le dimanche, bosse pas le genre qui chôme. OK, j'ai toujours fait cette classe comme un cours de physique. Juste pour ça, je mérite d'avoir une exemption. OK, j'ai toujours voulu monter seul avec ma clique. J'suis pas le fils de haut, fils de franc-maçon. OK, des fois, c'est fait les gens dans les parties de famille. Quand je dis que le rap c'est ma profession, OK, qu'est-ce qui fait chier dans ce monde immonde capitaliste? C'est qu'on te juge pour ton nombre de possessions. OK, tu dois avoir problème auditif. Écoute, mon salaire c'est de vivre de ma passion. OK, à tous ceux qui questionnent mes origines, fais juste rappeler que la scène c'est mon domicile. OK, j'ai pas le goût de rabaisser mon niveau de rime juste pour plaire à un public plus imbécile. OK, je rock une scène comme si c'était une scène de crime. C'est avec ma plume que le colonel Mustard J kill. OK, si on connecte humainement, c'est magnifique. Mets tes mains dans les airs, même si t'as pas dans tissu d'orifique. OK, moi ça fait wouh, wouh, wouh. La police fait wouh, wouh, wouh. Le beat il fait wouh, wouh, wouh. Puis la foule fait wouh, wouh, wouh. Tout ça encore, c'est wouh, wouh, wouh. La police fait wouh, wouh, wouh. Le beat il fait wouh, wouh, wouh. Puis la foule fait wouh, wouh, wouh. Ottawa, vous êtes hot en tabarnouche, merci. Aujourd'hui, c'est important pour toi de transmettre quelque chose, justement, aux adolescents? Oui, mais je sais pas, quand j'écris, c'est pas à ce que je pense. Moi, j'écris sur des thématiques qui me touchent, que j'ai goût de parler. Est-ce que j'ai goût de donner un message aux adolescents? Non, c'est pas mon but. Mon but, c'est juste faire ce que j'aime dans la musique puis être le plus authentique possible dans ce que je fais et dans ce que j'écris. Et c'est quoi les thématiques, alors, qui te touchent? Ah ben là, il y en a beaucoup, le Walkman jaune, hein, t'sais, une chanson qui s'appelle OK, où c'est juste des clins d'œil à Scarface, là, des derniers phrasé avec le « ok, ok ». Tu sais, j'ai une chanson qui s'appelle « Fumeur occasionnel », comment je quête souvent des cigarettes à des amis. « Dieu est un Yankee », je parle de l'américanisation. Je parle de... Il y a beaucoup d'ego trip aussi à travers mes textes dans l'essence même de la culture du hip-hop. Donc, je pense que mon esthétique est très hip-hop, mais maintenant, les sujets, je prends des sujets qui me représentent au quotidien. J'aime prendre des choses quotidiennes, mais les rendre extraordinaires dans les chansons aussi. Et la francophonie, elle a un rôle important là-dedans. Tu es un grand défenseur de la francophonie. Beaucoup. Puis moi, personnellement, pour moi, c'est très important de rapper en français parce que en Amérique du Nord, le français, c'est très fragile. Puis je trouve que les artistes ont un rôle... même beaucoup, je trouve même plus grand des fois que les politiciens. Donc, pour moi, de représenter même la région où je viens, même juste d'avoir des expressions typiques de l'Outaouais, je trouve ça super important. Puis moi, c'est ce que j'ai toujours aimé du hip-hop, c'est quand j'entendais IAM avec leur accent de Marseille. Ah, ces gars-là, ils viennent de Marseille, ils parlent comme de où ils viennent, ils représentent. Donc, moi, pour moi, c'est important de représenter ma culture, ma langue, d'où que je viens. Puis on aime ça faire des shows en Ontario parce que vous autres, pour vrai, c'est important la langue française. Vous connaissez le combat. Puis je respecte ça à fond. Et gros shout-out à vous autres, vraiment, là, qui supportez avec nous le combat de la francophonie. Puis on est là, puis on représente pour vous, 100%. Oh! Il y a quelqu'un à la porte? OK. Ah! Oh. Bonjour, ça va, tout le monde? C'est Sam Fay, tout le monde! Yeah. Sam Fay! Qu'est-ce que tu fais ici? Je passais dans le coin, là, puis je suis à Montréal, je fais une petite marche jusqu'à Ottawa, puis c'est ça, tu sais, je me dis, hey, Scorpion, puis des tracks sont ici. Fait que je suis passé là vite fait. Ils m'ont donné un micro en arrière. Sérieux, man, c'est mon show, man. Ils sont vraiment professionnels, ils m'ont branché en 5 secondes. OK, bon, parfait. Bon, ben, on va faire quand même une chanson. Ouais, quand même, là. OK. J'ai pas fait quand même un jour de marche pour rien, là. Sur le verglas, en plus, en glissant. On fait quelque chose sur les backpacks. Hein. Mm-hmm. J'ai marché avec le mien. Tu vois, on peut faire la bicyclette comme ça. J'ai un billet Greyhound direct sur Downtown que je suis prêt à vendre à la station Chalmers. Dans mon sac, j'ai ma carte de banque, des livres, des bibliothèques, puis j'ai ma carte de membre. J'ai les papiers sur lesquels tu trouves des tas de draps dans mon backpack. Toutes mes émotions sont palpables. J'ai les cartes de basket, j'ai les peines de Van Damme, j'ai les gants de Jean-Pascal, puis les pieds de Jeanne d'Arc. Je fais pas sorti sans mon backpack, mon backpack, mon backpack. Je traîne mon anti dans mon backpack, mon backpack, mon backpack. J'ai plein d'amis qui ont un backpack, un backpack, un backpack. Je traîne ma vie dans mon backpack, mon backpack, mon backpack. Dans mon backpack, j'ai mon cartable, mon tam-tam. Des sections secrètes comme la cave de Batman. Un jeu de cartes et les clés de mon appart. Une version DVD de l'Empire contre-attaque. Un ballon de basket, un vinyle sale. Un crabe avec des pinces d'or, c'est une boule de cristal. Dans mon backpack, j'ai Bob l'éponge. T'as des questions dans mon backpack, j'ai des bonnes réponses. Dans mon backpack, j'ai un sac de pompe, un Macintosh, puis un pack de drums. Le veston, cravate de Bernard de Rome. Mes pères d'Adidas qui traînaient dans mon garde-robe. Dans mon backpack, c'est fascinant. Tu vois le Rorschach, pis c'est captivant. Tu vois un fond de lac, pis des achigans. Des vieux, c'est des compacts qui sont captivants. J'fais pas de sortie sans mon backpack. Mon backpack, mon backpack. J'traîne mon anti dans mon backpack. Mon backpack, mon backpack. J'ai plein d'amis qui ont un backpack. Un backpack, un backpack. J'traîne ma vie dans mon backpack. Mon backpack, mon backpack. Mon backpack, mon backpack. Mon back, mon back de mon backpack. Mon backpack, mon backpack, mon back, mon back de mon backpack. Mon backpack, mon backpack, mon back, mon backpack, mon backpack, mon backpack, mon back, mon back, mon backpack. Dans mon backpack, j'ai un bag de punk. Des sous-clips de nez de canne de thon. Yeah. Dans mon backpack, j'ai une tonne de son. Puis un gros parasol qui me donne de l'ombre. Dans mon backpack, j'ai ma motivation. Des mixtapes, des albums et des compilations. Dans mon backpack, j'ai ma détermination. Je mets sur mes épaules et prends une respiration. J'ai des bonnes idées. J'ai un teddy bear qui veut pas me quitter. Y'a tellement de choses que je peux pas le vider. Je pourrais froisser mon curriculum vitae. Yeah, dans mon backpack, ben je traîne un traîneau. Le sort de Kill Bill pis le gun de Django. La guinée Johnny Cash pis le cash de Tango. Et yo, mon backpack est too hot to handle. Je fais pas sortie sans mon backpack. Mon backpack, mon backpack. J'traîne mon anti dans mon backpack. Mon backpack, mon backpack. J'ai plein d'amis qui ont un backpack. Un backpack, un backpack. J'traîne ma vie dans mon backpack, mon backpack, mon backpack, mon backpack, mon backpack, mon backpack, mon backpack, mon backpack, mon backpack, mon backpack, mon backpack, mon backpack, mon backpack, mon backpack, mon backpack, mon backpack, mon backpack, mon backpack, mon backpack. Ton envie d'aller en Europe, on va parler un petit peu de ça. Bah, qu'est-ce qui m'attire à l'Europe? Ben moi, juste la chance de voyager, mais t'sais, de pouvoir faire des spectacles à l'extérieur de mon pays, c'est un cadeau. T'sais. On a fait une tournée en Chine il y a 2-3 ans, de 3 semaines. Puis ouais, on a fait une tournée aussi en Europe de l'Est. Mais je suis jamais allé encore assez en France, je trouve. Puis j'aimerais ça croiser le fer avec des gens que je sais qui m'écoutent là-bas. Puis qu'est-ce qui m'attire? Ben j'aime voyager, j'aime m'initier, rencontrer des gens d'ailleurs. Ça a tout le temps été quelque chose que j'aime beaucoup. Mais comment c'est possible d'avoir une tournée en Chine et en Europe de l'Est? Comment ça se... C'est un concours annuel qui a lieu à chaque année, la tournée en Chine, et c'est moi qui l'ai gagné en 2016, si je me trompe pas. Donc c'était une tournée dans 10 villes en Chine avec un groupe français, suisse et belge. Il y avait Rive, il y avait le roi Angus de Suisse. Surprenamment, les Chinois sont des grands fans de musique, puis ils comprenaient pas les mots. C'était des francophiles, des anglophiles, mais parce qu'ils aimaient la musique, le flow et notre attitude sur scène, ça a très bien fonctionné. À notre grande surprise, il y avait un gros public au rendez-vous. On s'attendait vraiment pas à ça, donc ça a été vraiment une belle expérience. Et là, aujourd'hui, le concert donné devant les professionnels, tu en attends quoi? J'espère des spectacles, j'espère des retombées positives, mais bon, nous, on est venus, on a fait ce qu'on avait à faire. Et puis, on a donné un bon spectacle. Puis, c'était plaisant. On aime ça jouer ici dans l'amphithéâtre. Ici, c'est très bien. Et ce dernier album, Dieu est un Yankee, ouais, c'est ouais, ça ouais. Donc, qui est bien accueilli, je ouais. crois. Aujourd'hui, tu rentres, on va dire, dans la cour des grands. Ouais, si on veut. Puis, ça fait plaisir. C'est le travail, j'imagine. Puis, on est rendu là. Fait que ça fait plaisir. Ouais. Des vedettes sur un tapis rouge, des vedettes qui dansent, des vedettes qui cuisinent, des vedettes qui cuisinent en buvant un coup, des vedettes qui rénovent, des vedettes qui se font rénover, des vedettes qui jouent, des vedettes qui rient, des vedettes qui se racontent, des vedettes qui se confient, des vedettes qui rendent hommage à d'autres vedettes, des vedettes qui commentent l'actualité, des vedettes qui visitent des villages, qui se font l'enquête pour les vedettes, des vedettes qui racontent des bons mensonges pour gagner contre d'autres vedettes qui en racontent des moins bons. Puis il y a les autres émissions, celles où des gens ordinaires rêvent de devenir des vedettes. Des stars qui font du bacon, des stars qui rendent légumes, des stars sur toutes les postes qui prennent contrôle de ta cédule, des stars qui se dénudent sur une île aux Bermudes pour la prochaine édition de Sports Illustrated, des stars qui cuisinent, qui font des recettes vegan, des stars dans des véhicules Toyota Ford Prius, des stars qui vendent des bidules, des stars qui se bidonnent à chaque fois que je prends ma manette puis que je pitonne, des stars qui se vénèrent, des stars qui font du plein air, qui partent à la recherche de l'abominable homme des neiges, des stars plein les manches, des stars qui sont pompettes, des stars qui prennent contrôle de ton antenne. Hey, ma télé c'est une galaxie. Ma télé c'est une galaxie. Donne-moi du verre, donne-moi du verre, donne-moi du verre, pis du Guillaume le métier vierge. Donne-moi du verre, donne-moi du verre, donne-moi du verre, pis du Guillaume le métier vierge. Des stars dans ton système, des stars du star système, des stars sorties du web, pis des stars full vintage, des stars dans ta cataracte, des stars adorables, une star de TVA devenue une star de Radio Cannes, des stars qui nous nourrissent, des stars qui font les touristes, qu'on accueille à bras ouverts comme des moines bouddhistes, des stars qui sont branchés, des stars qui sont one shape, qui ont les dents plus blanches que tout le mois de janvier, des stars qui font les acteurs, des stars qui font les farceurs, des galas de stars, des galas à tous les quarts d'heure, des stars qui sont big, des stars qui sont larges, des stars qui sont vides mais qui remplissent tout plein de salles. Ma télé c'est une galaxie. Ma télé c'est une galaxie. Donne-moi du verre, donne-moi du verre, donne-moi du verre, pis du Guillaume le métier vierge. Donne-moi du verre, donne-moi du verre, donne-moi du verre au petit Guillaume, le métier vierge. Des stars qui placotent, des stars qui rapportent, des stars qui ont la cote, des stars qui viennent de la pop, des stars dans des lofts, des stars qui rénovent, des stars sur tous les postes, puis sur tous les télescopes. Des stars qui sont des vedettes, des stars qui ont des amourettes, des stars qui se prennent contre leur ex, puis qui sèment la controverse. Des stars qui show quiz, des touch showcase, des amas de stars qui font des touch showbiz. Des stars toutes les saisons, des stars qui ont raison, qui t'envoient chier au nom de la liberté d'expression. Des stars qui sont in, des stars qui sont out, des stars has been qui prennent contrôle de ton couch. Ma télé c'est une galaxie. Ma télé c'est une galaxie. Donne-moi du verre, donne-moi du verre, donne-moi du verre, pis du Guillaume le métier vierge. Donne-moi du verre, donne-moi. En Europe, où est-ce que ça pogne? J'ai pas vu tous les pays, mais je sais qu'il y a au-dessus de 60 pays qui ont joué la même musique dans la dernière année dans mes statistiques, mais quel pays exactement? Mais je sais que j'ai des gens en France qui m'écoutent, je reçois des messages des fois, donc ça arrive. Ouais. Et quel message tu reçois des Français, justement? Ah, ben, qui aiment le son, qui aimerait ça que je passe venir faire des spectacles. Des messages d'encouragement. Ouais. Ouais. Ouais, ça marche fort le hip-hop au Québec, le rap keb. Ouais. Et puis en France aussi. Ouais, le hip-hop en France avant le Québec aussi. Puis moi j'ai grandi en écoutant, même avant le rap keb, j'écoutais du rap français. Fait que, mais on est dans une belle époque justement parce que ça fleurit un peu partout à travers le monde aussi. Et tout à l'heure, tu donnais la définition de rap et ça je l'ignorais. Est-ce que tu peux nous la redonner? Oui, rap ça veut dire rhythm and poetry. Donc, c'est du rythme avec de la poésie. Ben ouais, c'est ça. L'un va pas sans l'autre. Puis, c'est comme R&B, rhythm and blues, rap, rhythm and poetry. Donc, c'est ça. Mais pour moi, les rappeurs sont des poètes. Peu importe comment tu le fais, tu sais. Fait que c'est juste les gens, ils réfléchissent pas, mais c'est ça. Quel est ton poète francophone préféré? Mon poète francophone préféré? Ben, si on pourrait dire dans le hip-hop, moi, je dirais MC Solar. Ça a été un de mes préférés. J'ai bien aimé Akhenaton aussi. J'ai lu Rimbaud aussi, que j'ai bien aimé. J'ai mon ami à Sherbrooke, David Goudreau. Je n'ai pas un préféré, mais j'en ai écouté beaucoup. J'en ai lu aussi. Ouais. Yes! Merci beaucoup, tout le monde. Merci. OK, fait, il nous reste encore du temps. Moi, je suis un magicien. Veux-tu montrer un petit tour de magie? Vite ouais, OK. Donc, dans mon backpack, je traîne une feuille de papier. Uh-huh. Ensuite, je traîne un marker, OK? Je peux t'emprunter? Qui est essentiel de vie. Ah, tu vas l'utiliser, là. Oui, c'est vrai, ça, je vais utiliser ça, OK? Regardez. Je vais passer vous voir pour récolter des mots. OK, fait, on va prendre 8 mots. OK, non, 6 mots. On va aller avec 6 mots. Puis je vais faire un freestyle avec. On va essayer quelque chose. On y va. Désorganisé. Est-ce que tu parles de nous autres, là? C'est-tu... OK. Amour. On va aller en haut complètement. Quatre autres mots. On y va avec 4. Oh, man, moi, je te pitch une curveball. Éléphant. Ooh. OK. What? Grève, oui. Non, faut en parler, hein. Gros charade au prof, on est solidaires. À vous. Je vois une main levée. Ouais. Cacophonie. OK, c'est parfait. Fait qu'on on a assez de mots. OK, il nous reste c'est une correct. Minute. On va essayer de faire avec 5 mots. Yes. Ça va vite. OK, on va y aller. DJ Scorpio, il met un beat. Ouais, on peut taper les mains comme ça, le DJ, c'est OK? Bon. Yep. Yeah. J'ai le record. Yo, hey, c'est des tracks qui embarquent sur l'instrumental. Fais un freestyle direct à l'école de la salle. Hey yo, sur moi tu peux miser, même si sur scène on paraît désorganisé. Yo, on sait ce qu'on fait, je balance des extraits. Ça me fait des tracks, tu sais c'est les plus vrais. Je m'appelle des tracks ou bien David Dufour. Pour la musique, j'ai du love et j'ai de l'amour. Yeah, hey yo, quand j'étais big, je voulais être grand. Je rêve d'être aussi grand même qu'un éléphant. qui se promène dans la jungle. Comme on dit sur le mic, et tu sais que sur le mic, je suis numéro 1. Yeah, bah, hey yo, pour moi, y'a jamais de trêve. Dédicace à tous les profs présentement qui sont en grève. Yo, tout partout dans l'Ontario, il fait vraiment fret. Yo, je rêve d'être à Rio. Des tracks, il est vrai, yo, c'est pas un phony. Des fois, y'a la distorsion de la cacophonie. Mais on continue comme ça à faire des grosses rimes. Rapide, même si légal, pour moi, yo, c'est un gros crime. Merci tout le monde. Voilà, arrête ton char, c'est fini. Merci, D-Track. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle entrevue avec un artiste francophone hors Québec, enregistré à Contact Ontario 2020. Portez-vous bien, bonne semaine, ciao, ciao.